je tremble quand la ville est obscure. Quand la vie nous étrangle, quand c'est trop d'être nul. Les arnaques se multiplient, les pourris tout aussi. Quand on les étoile tombe, et quand il n'y a plus de pluie, je descends dans la tombe comme d'autres ont fui. Moi je tombe comme je crains d'être en vie. Des corps qui ne servent à rien, des corps, c'est des corps c'est des corps, des corps, c'est des corps.